Facile de se motiver le lundi, on pense encore au week-end, je sais, mais pas le choix, faut bien repartir bosser. Nous sur Cristal, on est là avec vous tous les matins pour vous accompagner en voiture, au travail et même sous la couette. Bon courage à vous, c'est le début de semaine, c'est important d'être en forme, même si la pluie donne plutôt envie de rester sous le plaid devant une bonne série. Hein. On est tous pareils. Il est bientôt 6h, bon réveil, l'actu en Normandie revient, on s'écoutera à Weezer aussi, mais vous connaissez le rendez-vous par cœur maintenant. C'est Alexandra qui nous rejoint tout de suite pour l'horoscope. Salut Alex. Bonjour à tous, bon début de semaine, nous sommes lundi le 10 décembre. L'horoscope des béliers, vous rechercherez le grand frisson de l'aventure et laisserez votre prudence de côté. Taureau, Cupidon sera avec vous et vous lancera une flèche que votre cœur saura attraper en plein vol. Gémeaux, vous entraînerez vos proches dans votre sillage, même s'ils ne sont pas tous partants, pour vous suivre dans toutes vos idées. Les cancers, si votre couple a rencontré des remous ces derniers jours, vous serez aujourd'hui soulagés. Lion, vous serez doté d'un esprit positif et confiant ce lundi qui fera mouche. D'humeur joyeuse, les vierges, cette journée sera faite de pas mal d'imprévus. Cela vous satisfait pleinement. Balance, fini les embûches, fini les angoisses. À vous la douce vie en ce début de semaine. Scorpion, entre vos horaires de travail et les tâches quotidiennes à effectuer, il va falloir jongler. Petite course contre la montre en perspective. Sagittaire, c'est certain, vous le pressentez, quelque chose est prêt à changer en cette fin d'année. Capricorne, les planètes vous doteront d'une envie d'avancer. Quelquefois sans réfléchir aux conséquences de vos choix. Verseau, vous faites profiter vos amis de vos bonnes idées. En cette fin d'année, vous êtes très motivé pour de nouveaux projets. Et les poissons, votre manque d'appétit des derniers jours n'est qu'un souvenir. Vous reprenez du poil de la bête. Excellente journée à tous.